L'authentique antiquité par Frédéric Boutet. Monsieur Blaireau, l'honorable et éminent conservateur du musée de X, l'homme des antiquités égyptiennes, ainsi que l'appelle l'admiration de l'Europe tout entière, était dans son cabinet grandiose de travail, au sein même de cet incomparable musée, son domaine, son honneur, sa vie. Et, en attendant l'heure de quitter ce bureau, où jamais il ne faisait quoi que ce soit, M. Blaireau somnolait, béat, parmi les merveilles des âges disparus qui décoraient les murs. M. Blaireau était heureux de vivre, ce jour-là plus que d'habitude, car il venait, selon lui, de remporter un triomphe manifeste dans certaines affaires, un peu désagréable au premier aspect, d'antiquité qu'on avait reconnu n'en pas être. L'incident, soulevé par des publicistes sans discrétion, qui, sous prétexte de dire la vérité et de renseigner le public, raconte à tout le monde des choses que personne n'a besoin de savoir. L'incident, dis-je, avait fait quelque bruit, ce dont M. Blaireau avait gémi, maudissant les yeux trop clairvoyants, les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, les journaux, ceux qui écrivent dedans et ceux qui les lisent. Mais animé par le péril, il avait démontré que les antiquités étaient authentiques, que si elles n'étaient pas authentiques, par impossible, elles étaient imitées aussi bien que pouvait le faire le travail de l'homme, que nul musée au monde ne possédait des antiquités comparables, réelles ou imitées, à celles que l'on pouvait admirer au musée de X. M. Blaireau terminait en constatant, comme par hasard, que du reste, lesdites pièces discutées avaient été acquises sous le règne et avec l'approbation du regretté et éminent M. Dougzamy, prédécesseur de M. Blaireau, et que ce dernier n'avait fait qu'enregistrer au catalogue les dites pièces et leur assigner une place d'exposition, sans se permettre d'enquêter sur une authenticité admise par son éminent prédécesseur. Cette démonstration où M. Blaireau retirait son épingle du jeu avec une indéniable adresse avait soulevé un enthousiasme universel. Tout le monde avait envahi le musée pour contempler les objets discutés, et tout le monde avait en tout lieu proclamé la science inexpugnable et le génie aussi rare qu'élevé de M. le conservateur Blaireau, le tout en jetant quelques mots plutôt amers sur la mémoire du pauvre M. Dougzamy, qui n'était plus là pour se défendre. Et toutes ces choses étaient douces au cœur de M. le conservateur Blaireau. Au début du présent récit, M. Blaireau, ai-je dit, était dans son cabinet tout somnolent et béat. Voici que sonnèrent 4 heures. Dans les salles du musée, vide et sonore, retentissait au loin et s'éloignait encore le rugissement, en ferme, par quoi les gardiens hâtaient la fuite d'obstinés visiteurs. C'était un soir de printemps. M. Blaireau, jetant un coup d'œil par la fenêtre de son cabinet, sourit aux feuilles naissantes, puériles et attendrissantes d'un jeune marronnier que balançait la brise fluviale. M. Blaireau fut encore plus heureux de vivre. Il se lava les mains, alluma son cigare et drapa noblement les plis de son pardessus. Il se retournait, pour partir, de la glace vers la porte, lorsque s'ouvrit celle-ci silencieusement, laissant pénétrer un être vaguement humain, mais bien singulier. « Hein ?» dit monsieur le conservateur, plutôt surpris, en considérant une longue et mince figure brun clair, revêtue d'une blouse de peintre toute maculée de couleurs, et la tête serrée d'une calotte ronde, faite de petites bandes d'étoffe sale. « Hein ?» dit monsieur le conservateur. « Qui êtes-vous » « Je suis, » dit la figure qui avait fermé la porte, « je suis la momie Thébène, de la grande salle, et j'en ai assez. »« Vous en avez assez de quoi ?» demanda presque inconsciemment monsieur Blaireau, dont les esprits vitaux étaient figés par la stupeur. « J'en ai assez de tout, et spécialement d'être momie dans votre salle musée. » dit l'autre, en s'asseyant dans un fauteuil vert, et en mettant son maigre mollet gauche sur son aigu genou droit. « J'en ai assez et plus qu'assez, il faut que ça finisse. » Il y eut un silence. M. Blaireau, l'homme des antiquités égyptiennes, regardait avec des yeux globuleux et effarés cette étonnante antiquité qui venait ainsi lui chercher querelle. Et dans l'âme du conservateur combattaient des sentiments variés mais peu agréables. Vous comprenez donc le français ? Dit enfin avec une voix étranglée M. Blaireau. Il me semble, imbécile, puisque je le parle. cria la momie avec irritation. Et puis, finissez de me regarder comme un panorama, cela ne me plaît pas du tout. Monsieur Blaireau devint rouge foncé. Pardon, dit-il, je le faisais sans intention. Mais n'est-ce pas, c'est si curieux, un mort qui revient. Oh, pas de sornette, dit l'autre. Tout le monde sait très bien, sauf sans doute les conservateurs d'antiquité, que nous avons été en grand nombre embaumés vivants. Le maître américain l'a prouvé, et bien d'autres depuis. C'est pas à moi qu'il faut raconter des histoires de revenants. Si j'étais mort, je ne serais pas ici, je vous prie de le croire. C'est étonnant. C'est étonnant, murmurait M. Blaireau en se caressant le nez. Mais comment faites-vous pour parler et marcher? Je remue ma langue et mes pieds, comme tout le monde. Est-ce pour m'insulter que vous me demandez cela, idiot? Répliqua l'Égyptien, qui semblait offensé. Je puis aussi me servir de mes mains, vous savez, ajouta-t-il, en étendant son bras par-dessus la table et en pinçant méchamment l'oreille de M. Blaireau. Monsieur, cria de douleur ce dernier. Monsieur, dit l'autre, il eut un silence. En voilà assez, reprit la momie. Je vous ai trop vu. Je vous trouve laid. Je veux m'en aller. Mais comme après tout, malgré votre laideur, votre avarice et votre stupidité, vous êtes conservateur de ce musée, où je suis momie, avant de m'en aller, je veux faire ce pourquoi je suis venu, savoir vous donner ma démission. Votre démission? Votre démission de quoi? Gémit M. Blaireau. Ma démission de momie, naturellement. J'en ai trop. Il y a des années et des années que je suis réveillé là, tout seul, dans ma boîte. Et je suis resté bien tranquille, à me laisser regarder par pure bonté, car je suis un homme comme il faut. Mais j'ai été dégoûté peu à peu, de plus en plus. Tout va de mal en pis. Les garçons de salle lavent les parquets comme des cochons. On n'époussette plus les vitres, on ne chauffe plus les calorifères. La foule devient insolente. Les conservateurs que j'ai vus se succéder ont rempli mal leurs fonctions, mais jamais aussi mal que vous. Ils sont morts successivement, comme vous aussi, vous mourrez, et d'autres ont remplacé les morts, mais jamais encore. Je n'en ai vu un qui vous soit comparable de loin. Vous les dépassez tous et sans effort. Donc Zami, malgré sa surdité, son entêtement et son gâtisme, était un génie auprès de vous, être ignare, et cela me vexe. Et puis je m'ennuie. Je vous le dis franchement, je m'ennuie. Je veux sortir, voir du monde, vivre un peu la vie moderne, faire la fête à mon tour. Je veux de l'argent. Parce que je crois m'apercevoir que depuis les jours de l'Égypte, cela n'a pas changé, et que pour être confortable au milieu des hommes et des femmes, il faut de l'argent. Et vos femmes sont jolies, ce qui nécessite plus d'argent. Pensez qu'il y a 4946 ans que de l'argent je m'en serais bien procuré, en vendant quelques-unes des choses que vous appelez vos richesses. Mais je les ai regardées de près, et cela ne vaut rien. Hein ? Fit le conservateur. Cela ne vaut rien, répéta la momie, et cela me dégoûte. Et maintenant, voilà cette déshonorante histoire de pièces apocryphes que publient les journaux. Et ce n'est encore rien, car on ne sait pas. Mais si on s'avise de regarder de près, ce sera la fin. Et je ne veux pas voir cela. Dans les premiers temps, quand je regardais vos antiquités, cela me faisait de la peine, voilà tout. Mais peu à peu, je m'y suis habitué. J'ai fini par les admettre, vous comprenez. Et par les croire presque vrais. Mais avec les journaux, ce n'est plus possible. Tout le monde doute de tout, on doute de moi-même. Oui, monsieur, de moi-même. Il y a aujourd'hui un imbécile qui a dit de moi. Et ce Chinois, là aussi, c'est de la blague. Regarde sa bille, il est en bois peint. Et il disait cela, une jolie petite femme qui a ri. Eh bien, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne veux pas qu'on fasse rire des femmes en disant que je suis un Chinois en bois peint. Je suis un Égyptien, monsieur, et bien vivant, mille tonnerres. Mais finissons. Je reprends ma liberté. Je vais écrire dans les journaux, moi aussi, pour gagner de l'argent, en racontant ce que je sais, la vérité. Et l'on verra. Et je parlerai de vous, homme sans intelligence, qui m'avait attiré un affront en posant pour celui qui connaît tout, alors que vous ne savez rien de rien. La momie furieuse se leva. S'il s'en va, je suis perdu, songea monsieur le conservateur Blaireau. Cher ami, dit-il à l'Égyptien en lui mettant la main sur le bras. Non, monsieur, dit l'autre en se reculant. « Cher ami, » prononça d'une voix caressante M. Blaireau, « voyons, n'y aurait-il pas moyen d'arranger la chose ? Ne nous emportons pas, là. Soyons bons garçons. D'abord, je refuse votre démission. Un homme comme vous se doit à ses semblables. Certes, nous avons au musée d'autres momies belles et authentiques. » Ici, le citoyen Le Tèbre ricana, ce qui engendra une sueur froide dans le dos de M. Blaireau. « Belle et authentique, » reprit le conservateur. « Mais vous êtes la plus admirable, la plus nécessaire, la plus enivrante pour les yeux. »« Où voulez-vous en venir ?» interrompit l'Égyptien, encore sèchement, bien qu'il parût se radoucir. « Où je veux en venir ? Mais, à vous garder, voyons. Ne faisons pas le méchant. Il y a toujours moyen de s'arranger. Soyez gentil. Vous voulez de la liberté ? Je le comprends. » Mais venez au musée tous les jours de 9 heures à 5 heures, ce n'est pas long, et restez dans votre caisse à vous faire boire. Ce n'est pas plus difficile que d'aller dans un bureau, et tous les hommes, maintenant, vont dans un bureau. C'est nécessaire à notre vie moderne, et puisque vous voulez la vivre, il n'y a pas autre chose à faire. Un homme ne saurait vivre sans un bureau. On n'y fait jamais rien, mais on a besoin d'y aller, il le faut. C'est aussi indispensable que le pain. Vous ferez comme tout le monde. Vous aurez vos heures de bureau, de caisse, veux-je dire. Nous sommes tous comme ça. Vous serez debout au lieu d'être assis. C'est la seule chose qui différera. Oui, dit la momie toujours grincheuse, mais vous tous, vous êtes payés. Mais naturellement, vous le serez aussi. Vous aurez, voyons, 400 par mois. C'est gentil, hein? Et 300 d'indemnité de logement. Et le soir, vous pourrez sortir, faire la vie, vous amuser. M'amuser? M'amuser et ma retraite. Est-ce que j'en aurai seulement une retraite ? Une retraite ? Pourquoi faire ? Vous serez inamovible. C'est assez juste, remarqua la momie. Mais enfin, il y a déjà pas mal d'années que je travaille pour rien. Avancez-moi donc 100 francs en acompte sur les années passées. Et puis, tous vos employés, fonctionnaires ou autres, ils sont décorés tous et beaucoup. Et les gardiens ont des galons ou des tricornes avec de l'or. Et cela fait bien pour être respecté. Si cet imbécile d'aujourd'hui m'avait vu une casquette à galons ou un képi, certainement il n'aurait pas osé se moquer de moi. C'est probable, constata M. Blaireau, visiblement gagné par cette dernière promesse. C'est dit. Mais laissez-moi votre par-dessus et la clé d'en bas. Je veux sortir ce soir, et cette blouse que j'ai prise à un peintre est vraiment trop sale. Voilà, voilà, dit M. Blaireau, tout heureux de n'être quitté à si bon compte. N'oubliez pas les heures, 9 à 5. Et surtout, pas un mot aux journaux. Comptez sur ma parole, dit l'Égyptien, et il sortit. N'oubliez pas que je veux les palmes en argent sur ma caisse, et non en simple ruban, dit-il en repassant sa tête par la porte. Convenu, mon cher, cria monsieur le conservateur en mettant son chapeau. On voit bien que cet homme des anciens âges ne sait pas combien cette distinction honorifique est répandue, murmura-t-il quelques instants plus tard en descendant l'escalier. « Et j'en bénis le Seigneur, » ajouta-t-il, « car cela m'a permis de le gagner aisément. » Et il est peut-être la seule de nos antiquités qui soit authentique. C'était l'Authentique Antiquité par Frédéric Boutet.